ce mardi 1er mai. Syntonisez votre Radio Campus pour l'émission spéciale de fin de session. Ensemble, Mikey, Antoine et Mathieu essaieront de battre le record pour la plus longue émission jamais diffusée à C'est fou. À partir de 11h du matin jusqu'à tard en soirée, attendez-vous à de la bonne musique, des invités spéciaux et beaucoup de surprises. Le mardi 1er mai dès 11h, c'est l'émission spéciale de fin de session à C'est fou 89.1.